Ceci est un appel d'embarquement pour tous les auditeurs. Ici Radio-Canada Première, Aéro-Mexico et Aéroport de Montréal vous invitent à participer au concours « À bientôt, Mexico ». Courez la chance de gagner 2 billets d'avion aller-retour en vol direct à destination de Mexico. Pour participer, remplissez le formulaire en ligne et inscrivez l'indice « Plage ». L'embarquement prend fin le 13 mai 2018. Détails au radio-canada.ca/concours. Bon balado. Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Bing Crosby, le premier chanteur de charme. He described himself as an ordinary guy who could carry a tune. So I think part of it is that everybody could identify with him. People thought that, you know, if they tried it, maybe they could sound like him. Bing Crosby était un modeste. Il se décrivait comme un homme ordinaire qui savait tout simplement pousser la chansonnette, raconte sa fille Mary au réseau NPR en 2014. Mais le succès que va connaître Bing Crosby sera, lui, extraordinaire. Dès le début des années 30, Bing Crosby est une immense vedette de la chanson, du cinéma et de la radio. Il est partout et on l'aime. Ce sympathique et charmant gaillard aux yeux bleus, un brin nonchalant qui prend toujours la vie du bon côté, a quelque chose de rassurant et de profondément attachant. Et puis, c'est le tout premier à chanter comme il chante. On dit d'ailleurs que c'est lui qui a inventé le style crooner. Est-ce que vous chanterez en France dans un music hall? Non, pas de chanter ici en français. C'est pour la radio, pour le film, pour le disque seulement. Pour le disque seulement? Pas de music hall, pas de variété, pas de théâtre. Elle coule, coule, coule, dès qu'elle entre dans Paris. Elle s'enroule, roule, roule, autour de ce qui fleurit. Elle chante, chante, chante, chante, chante, la jour et la nuit, car la scène est d'une menthe. Et son amant, c'est Paris. Bing Crosby, de passage à Paris en 1953 à l'occasion d'un tournage de film, entre autres. Pour nous rappeler l'immense artiste qu'a été Bing Crosby, je reçois l'auteur, compositeur, interprète Steve Normandin. Steve Normandin, bonjour. Bonjour, Jacques. C'est vrai qu'on l'a un peu oublié, mais ça a vraiment été une immense vedette, Bing Crosby, à l'époque aux États-Unis. Quelle place il occupe au firmament des plus grandes étoiles du showbiz américain? Bien, sûrement parmi ceux qui, au 20e siècle, ont marqué les bases d'un nouveau média qui était la radio. Et c'est probablement lui qui a balisé tout le travail qu'allaient accomplir par la suite les chanteurs comme Frank Sinatra ou Eddie Fisher ou Nat King Cole même. Tout le monde un jour a entendu les chansons de Bing Crosby. Son phrasé inimitable était tellement limpide que ça a vraiment marqué la musique populaire. On n'a jamais écrit vraiment de chansons pour Crosby. Crosby n'était pas un créateur de chansons, au même titre qu'on peut l'être, par exemple, au cinéma, une Judy Garland ou tous ceux ou même Al Jolson qui se faisait écrire des comédies musicales complètes. Ouais. Or, le fait que Bing Crosby s'approprie des œuvres hyper connu et il mettait sa touche avec un velouté et une compréhension aussi du micro, c'est probablement ce qui a fait que l'œuvre de Crosby a passé les époques et les générations, et c'est ce qu'on retient davantage de lui. Comment la décrire, cette fameuse touche, ce style? On dit que ça a été le premier chanteur de charme, c'est lui qui a inventé la technique, le style crooner. Comment décrire donc ce style-là? On écoute Tony Bennett et Michael Feinstein en parler dans le documentaire Bing Crosby Rediscovered, diffusé à la chaîne PBS. What a night to go dreaming. Mind if I tag along? What Bing created was the art of intimacy. Ce que Bing a créé, c'est l'art de l'intimité. Il chantait toujours de manière très calme et très discrète. Il avait réalisé que lorsque tu chantes dans les oreilles de quelqu'un, tu n'as pas besoin de pousser la note. Moonlight becomes you so. It's about phrasing, but it's also about seeing how far you can go. Il s'agit de phraser, mais aussi de voir jusqu'où on peut aller avec une mélodie, tout en restant en harmonie avec la structure de base de la chanson. Bing maîtrisait tout ça. Ça lui venait du jazz, de Louis Armstrong, mais aussi d'une capacité qui lui était propre. was truly his own. Ça nous en dit beaucoup, ce qu'on vient d'entendre. On dit une image vaut mille mots. Cette musique qu'on entend, cette manière de chanter, on comprend à qui on a affaire. Comment le décrire, ce style Bing Crosby, Steve Normandin? D'une musicalité irréprochable. D'abord, un soutenu. Quand on écoute Bing Crosby, c'est extraordinaire de sentir qu'il n'y a pas de... Bon, on sent bien qu'il respire, mais c'est un espèce de grand souffle continu. Là où Crosby excelle, parce qu'il a fait aussi des trucs plus jazzy, où on sent sa présence et son rythme, mais dès qu'il tombe dans la romance, ouais, et qu'il s'approche du micro comme d'une oreille humaine pour se confier à l'auditeur ou surtout à une certaine époque aux auditrices, ouais, parce que ça, c'est le public de Crosby était essentiellement féminin, il va chercher dans c'est jamais mièvre. Il va vraiment porter la chanson qui lui est proposée comme si c'était un secret à chaque personne qui l'écoute. Et évidemment, dans les premières heures de la radio et des premiers disques qu'il va proposer au temps du gramophone, c'est vraiment ce qu'on retrouve de chatoyant, ouais, qui vont être quelque chose de fondateur pour tout le reste de sa carrière. Chatoyant, ouais, enveloppant, oui, rassurant. On aime écouter ce qu'on écoute quand on l'entend chanter. Les Anglais disent « cozy ». Oui, exactement. Voilà. On va revenir au début. Quand est-ce qu'il s'intéresse à... Comment il en vient à la musique? De fait, Bing Crosby. Pourquoi, oui, Bing Crosby? En fait, il semblerait qu'il était un fier lecteur d'une petite bande dessinée qui s'appelait Bingville for Boggle, qui paraissait dans le Spokesman Review. Et il semblerait que le nom le faisait tellement rigoler qu'à un moment donné, ses voisins ont tout de suite identifié... ils l'ont surnommé Bing, oui, directement. Et ça, le surnom lui est resté. En fait, il s'appelait Harry Lillis Crosby. Donc, ouais, normalement, un surnom, ça aurait dû être Hank. Mais non, c'est Bing qui lui est collé. Et il n'y en avait qu'un, il n'y en a eu qu'un. C'est ce surnom-là qui lui reste. Et comment il en vient à s'intéresser à la musique, le jeune Bing? Ben, en fait, quatrième d'une famille de sept. Et comme la plupart des Américains de classe moyenne, ils sont quand même fous de musique. Et un jour, papa ramène, avec les sous qu'il a gagnés durement, un gramophone. Alors, il entend les premières vedettes de la chanson et de la musique. Tout le monde veut participer, faire de la musique. Même ses frères, plus tard, vont devenir... Bob Crosby va devenir chef d'orchestre. Un autre de ses frères va s'occuper de sa publicité à lui. Ouais. Tout le monde est intéressé par le métier d'artiste. Or, un jour, pour gagner un petit peu de sous, ils sont déménagés dans l'État de Washington, à Spokane, et ils se trouvent à se trouver un travail d'abord comme placier et ensuite comme concierge dans un théâtre. Or, quand on a la possibilité de passer le ballet, on a peut-être aussi la chance de voir des artistes de près et de voir des spectacles. Or, en 1910, alors qu'il est jeune adolescent, il assiste à un spectacle de celui qui allait plus tard connaître une consécration mondiale par le biais du cinéma, le fabuleux Al Jolson. Ouais. Et comme Jolson est déjà une grande vedette de Broadway et que là, il a la chance d'être en tournée, Crosby l'écoute et se dit « c'est ça que je veux faire dans ma vie. Je veux faire ce métier-là, ouais, avoir les gens à portée de main, leur apporter du bonheur. » Et comme il a un peu l'oreille musicale, il décide de s'intégrer à différents groupes, ouais, et de pouvoir chanter davantage. Et là, il gravit peu à peu les échelons. Ouais. Il va faire une rencontre importante en 1926. Oui. C'est souvent comme ça que ça marche, hein, les gens qu'on rencontre. Paul Whiteman, il va tourner avec lui. Oui. Pourquoi c'est important, cette rencontre-là? Peut-être nous rappeler qui est Paul Whiteman. Ah, bien, Paul Whiteman, non seulement c'était la plus grande vedette des grands orchestres de jazz de l'époque, il faut aussi rappeler qu'il y avait... une dichotomie. D'un côté, le jazz qui nous provenait des Noirs, mais ceux qui réussissaient à en faire un métier parce que c'était, je mets des guillemets, accepté, en fait, par la société américaine, c'était les Blancs. Ouais. Donc, Whiteman réussit à faire un coup d'éclat en devenant l'orchestre qui joue avec Gershwin pour la première fois le Rhapsody in Blue et à faire passer la musique jazz à un autre niveau. Donc, déjà, Whiteman a une visibilité formidable et comme orchestre de danse, ses disques chez Victor se vendent merveilleusement bien. Ils entendent le duo dans lequel faisait partie Crosby avec un camarade qui s'appelait Al Rinker. Il se trouve que ces duos qui faisaient des numéros de vaudeville, Whiteman les entend et les trouve formidables. Et quand il les engage, au début, ils ont du succès un peu partout et quand le grand spectacle de Paul Whiteman arrive à New York, le duo fait patate. Ça marche pas. Il y a peut-être une incompréhension. Ouais. Et Crosby a d'autres envies. Il voit bien que ça fonctionne. Il veut pas nécessairement toujours marcher comme chanteur d'orchestre avec la personne avec qui il fait le duo. Ils sont engagés un peu plus tard par Gus Arnheim qui, lui, au moment de la radio, prend vraiment son envol. Il y a son spectacle en direct à tous les mercredis soirs au Coconut Grove. Donc, il part de New York, il s'en va sur la côte ouest vers Hollywood et c'est diffusé évidemment à la grandeur des États-Unis. Ouais. Et là, à un moment donné, on demande à Crosby et à son partenaire des fois de prendre des solos. Et il se rend compte, Crosby, que quand il chante seul, il y a un déferlement de jeunes admiratrices qui vient sur le bord de la scène et ça le dépasse. Et finalement, il se laisse prendre au jeu. Et là, il réalise que finalement, il y a peut-être possibilité de pouvoir chanter en solo et de parvenir à ses fins plutôt que d'être encore à la remorque, soit d'un duettiste ou d'un orchestre. Et c'est là que ça va vraiment décoller pour lui. Et cette année, au moment où ça se passe, ce passage de la carrière solo, c'est 1931. Oui. Tout explose cette année-là. Ah, il rencontre Max Sennett qui avait découvert Chaplin et qui était passé donc du cinéma muet au cinéma parlant. Il propose à Crosby de faire des apparitions, de venir chanter. Ça fonctionne formidablement bien au point qu'il fait faire plein de courts-métrages où Crosby est mis en vedette. Ensuite, un directeur de radio l'entend dans un film et il lui dit « Écoute, on pourrait te proposer de faire une émission » par semaine. Oui. Au début, c'est un 15 minutes. Après ça, c'est un 30 minutes. La compagnie disque Brunswick, qui est en plein développement malgré les débuts de la crise économique, c'est une maison très importante. Mm-hmm. Et il décide de faire appel au service de Crosby. Et dès qu'il se met à enregistrer et à faire de la radio, évidemment, tous les États-Unis découvrent la voix somptueuse. Et il découvre aussi une façon de chanter plus facile pour lui. Au lieu de chanter avec un grand orchestre sans micro et d'être obligé de pousser sa voix, il a la facilité de contrôler avec le microphone. Et son premier grand succès solo, c'est 31 aussi. Exactement. Ouais. Et ses premières chansons, entre autres une chanson, donc Charles Trenet parlait souvent de Love and Bloom, entre autres dans la chanson Boom. Love and Bloom a été vraiment une pierre de lance extraordinaire pour Bing Crosby. Ça a été un de ses premiers grands hits, si vous me passez l'expression. Now, what do you say we sound off for Chesterfield? Satch, Ella, you care to join me in this little sound off ditty? Right, okay, why don't you kick it off, John Scott, if you please? Listen close, each guy and fella, take a tip from Satch and Ella. Chesterfield is our cigarette, the mile is best in tasting yet. Mild and pleasant. No aftertaste. Mild and pleasant. No aftertaste. No unpleasant aftertaste in Chesterfield. That's right. Put on your coat, put on your hat, run down to your dealer's, hurry, scat, get Chesterfield with something new. No other brand can offer you sound of. For Chesterfield. Sound of. For Chesterfield. Try a pack of Chesterfields. Do it. Today. Ça, c'est incroyable, Steve Normandin. Une publicité pour une marque de cigarettes chantée par Ella Fitzgerald, Louis Armstrong et Bing Crosby. Oui. Difficile de faire mieux. C'est un extrait d'une émission de radio, The Bing Crosby Show for Chesterfield, justement. Un extrait qui remonte à 1950. Il va faire de la radio dès les années 30. Parlons de ça. C'est très, très important pour lui, la radio. Bien sûr. Non seulement il peut faire entendre sa voix partout à travers le monde, mais les spectacles, en fait, ce sont des spectacles enregistrés ou diffusés plutôt en direct en public. Et ça va avoir un impact considérable à un point tel que ses cachets augmentent. T'sais, pendant une semaine de théâtre diffusé à la radio, il va être payé en pleine crise économique plus de 4 000 $ par semaine. Imaginez. Ça, c'était du jamais vu. Et pour une première fois, dans ce média tout neuf et tout beau, il y avait la possibilité de se mettre en valeur. Alors, les gens, non seulement avaient le plaisir de l'entendre, mais se disaient tout d'un coup qu'on irait faire un tour à New York, voir Bing Crosby au Capitol Theatre. Ça serait vraiment très bien. Puis, il retrouve, parce qu'il a beaucoup aimé le jazz, c'est par la chanson, comme Crooner qui va s'illustrer, mais il retrouve ces gens-là, Louis Armstrong. C'est ça que ça lui permet, la radio, Ella Fitzgerald, tous les plus grands du jazz. Bien sûr, et comme ça devient une figure marquante, tout le monde veut chanter en duo avec lui parce qu'ils savent à la fois l'impact médiatique, parce qu'ils sont entendus de partout, et Crosby a tellement de facilité d'adaptation. Il peut chanter du jazz, c'est vrai. Il fait des pièces romantiques, c'est vrai. Mais un jour, on lui demande de faire des chansons patriotiques américaines. Il a la façon... C'est un song plugger, en fait. Le terme a été inventé par les gens qui écrivaient des chansons aux États-Unis. C'est celui qui va vous prendre une chanson et la mettre à sa main et vous vendre la camelote. Dans le bon sens, par exemple. Ouais. Et il va parfois faire de la chanson sud-américaine. Après ça, il fait du country. Il a tellement enregistré dans toutes sortes de styles et toutes sortes d'horizons, mais ses années radio ont été importantes pour ça parce qu'il rencontrait des artistes de tout horizon et il était curieux. Je pense qu'il avait l'Amérique non seulement en chanson, mais dans le soin qu'il apportait avec les créations, il se rendait compte qu'il y avait des gens qui écrivaient de très belles choses. Ouais. Et lui venait d'un milieu populaire. Alors, il se disait, un chanteur populaire doit se permettre de le chanter. Il y mettait sa griffe, ouais. Mais il le faisait toujours avec une réelle élégance. Et ça marche donc très, très rapidement. Ça décolle très vite. Et ce qui est fascinant pour lui, bien sûr, la radio, mais c'est un artiste multimédia à l'époque. Il est une grande, grande vedette de la chanson, de la radio, et tout ça très rapidement, mais aussi du cinéma. Would you like to swing on a star? Carry moonbeams home in a jar and be better off than you are? Or would you rather be a mule? A mule is an animal with long funny ears, kicks up at anything he hears. His back is brawny but his brain is weak. He's just plain stupid with a stubborn streak. And by the way, if you hate to go to school, you may grow up to be a mule. Cette chanson, Swinging on a Star, est tirée du film Going My Way. Cette chanson-là va recevoir l'Oscar de la meilleure chanson originale en 1945 et Bing Crosby va, lui, recevoir l'Oscar du meilleur acteur masculin pour sa participation dans ce film Going My Way. Dans lequel il joue un prêtre auprès de la belle Ingrid Bergman. Il va tourner, d'ailleurs, avec les plus belles actrices du temps. Ça, c'est bien entendu. Quel genre de carrière, de fait, il va connaître au cinéma, Bing Crosby? Au cinéma, c'est vraiment une carrière populaire. On ne peut pas parler à l'exemple d'un Sinatra qui, plus tard, va faire des films d'auteur, même des films à grand succès, mais avec des grands réalisateurs. Dans le cas de Crosby, c'est pas ça. C'est le petit film du dimanche, fort sympathique, et il se joint à un type qu'il rencontre sur scène durant qu'il fait ses shows au Capitole et qui a un sens de l'improvisation, un animateur hors norme, et j'ai nommé le grand Bob Hope, ouais. Qui va être animateur des grands spectacles à l'américaine dans les années 50 et 60 à la télévision. Mais ces deux-là, bien qu'ils ne se ressemblent pas vraiment... Bing Crosby, c'est le gars calme, posé, alors que l'autre, c'est la pile électrique. Et ils ont un sens d'improvisation. Les deux, on marche à grande vitesse au niveau des blagues et des pics. Et lui fait rire Hope et... Crosby, avec ses petites blagues en filigrane, Hope répond là-dessus au quart de tour et finalement, le public, quand ils vont voir les films, ouais. ça marche bien. C'est des scénarios bonbons un petit peu. Puis ils joignent évidemment une jolie dame qui est Dorothy Lamour. Oui. Et là, aura toute cette série formidable des Road to, donc ils vont les amener à Singapour, ouais. Au Maroc, un peu partout. Et c'est tout ça pour le couvert de l'humour et de la chanson. Donc, beaucoup la comédie, avec oui. Quelques films, des rôles plus dramatiques, dont celui qui... The Going My Way, exactement. Ouais. S'il y avait une chose, malgré tout, une seule chose qu'il fallait retenir de cette immense carrière de Bing Crosby, évidemment, c'est ceci. I'm dreaming of a white Christmas. Just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. Parlez-nous de cette chanson, Steve Normandin, qui sera la grande chanson de Bing Crosby, mais qui tout simplement est juste une immense chanson. Bien sûr, c'est la grande de Crosby, mais c'est aussi le succès d'Irving Berlin. En fait, ça faisait des années qu'il composait Berlin pour le cinéma, après avoir été le grand triomphateur de Broadway avec les grands spectacles comme Music Box Review et tout ça. Et il se trouve qu'à Hollywood, il fait la connaissance de Crosby. Il monte un film, un duo. Pourtant, physiquement, il se ressemblait un peu. Ça aurait pu être double emploi d'accoler, en fait, les services de Fred Astaire. Mais il fonctionnait ouais. Vraiment pas sur les mêmes paramètres. En fait, là où Crosby chantait le charme, l'autre allait plus sur la danse, imposer un rythme au film. Et donc, ils ont créé tout autour du film Holiday Inn un tas de belles chansons, un film de Noël réconfortant. On est en pleine guerre 39-45. Crosby est à son zénith, bien entendu. Astaire a atteint évidemment des sommets avec ses années à la RKO, qui est la grande compagnie de cinéma. Et quand ils écrivent cette chanson-là, Berlin, avec son secrétaire, à un moment donné, il y a une pause, ils s'arrêtent, ils font « On vient d'écrire probablement la plus grande chanson de Noël. » La chanson n'est pas encore diffusée et ils se disent... Ils le savent. Ils savent très bien que quand Crosby va se mettre sur le dossier, il n'y aura pas de revenez-y. Ouais. Ça va être le boom. Et ça va être un boom au-delà de tout. On n'arrive même pas à quantifier le nombre de disques qui se sont vendus et même le nombre de disques qui se vendent encore parce que White Christmas ou Noël Blanc a été chanté par un tas d'artistes et c'est toujours la version de Crosby qui reprend le dessus chaque année, ouais. systématiquement à la grandeur des États-Unis, certes, mais à travers le monde entier. On termine cette émission, Steve Normandin, avec une facette qui est un peu moins connue de la carrière de Bing Crosby. Cet art qu'il a de flairer le succès, de reprendre des bonnes chansons. Oui. Il va reprendre deux chansons françaises qu'il va donc chanter en anglais qui vont être de grands succès dans les années 50. Ah, the apple tree blossoms in the breeze that we walked among. Chantonnait la belle, ils ne sont pas méchants. Avec les enfants, ont le cœur fidèle et les jeunes blancs. It isn't by chance I happen to be a boulevardier, the toast of Paris. For over the noise, the talk and the smoke, I'm good for a laugh, a drink or a joke. Le Chevalier de Paris, la chanson chantée par Piaf, qui va devenir When the World Was Young, interprétée par Bing Crosby. Ça va être un immense succès, ça aussi. Oui, et c'est, si Crosby s'est trouvé sur le chemin de cette chanson, c'est parce qu'un jour, justement, il voyageait beaucoup à Paris, que ce soit dans ce cas-ci pour des tournages ou en vacances simplement. Il aimait beaucoup écouter les chansons de partout où il allait. Et évidemment, à Paris, il y avait les fameux kiosques à musique où on pouvait poser un disque, on met le casque sur les oreilles et vous achetez le disque si vous l'aimiez. Et il aimait beaucoup Edith Piaf, qui avait évidemment le grand succès qu'on connaît aux États-Unis. Et il demande d'entendre la dernière chanson. Or, cette chanson-là particulièrement, Chevalier de Paris, le texte est très poétique. Et Edith Piaf n'a jamais réussi à l'imposer comme elle l'aurait voulu. Elle la trouvait très belle et son compositeur, Philippe Gérard, était un grand ami de Piaf. Elle lui avait dit « Je vais te la chanter, ta chanson », mais le texte est tellement poétique en français, c'est un peu particulier. Or, lui, il ne s'est pas soucié de la langue, il s'est soucié de la musique. Il a rapporté le disque aux États-Unis, l'a donné à Johnny Mercer, à qui on doit un tas de belles chansons, dont Misty, dont les paroles de Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Et il se trouve qu'il s'installe et il fait une chanson qui va tellement être non seulement un classique pour Crosby, mais Frank Sinatra, Marlene Dietrich, Nat King Cole, toutes les vedettes vont la chanter. Et la chanson est franchement plus connue dans sa version anglaise que la version francophone qui avait été proposée par Piaf. Aujourd'hui, Steve Normandin, j'ai l'impression que ça a été une gloire, donc une lumière intense autour de Bing Crosby. Oui. Que ça s'est peut-être un peu perdu. Qu'est-ce qui reste de ça? Ben, en fait, ça s'est perdu, oui. En fait, comme il est décédé en 1977, là, on a plus de 40 ans de distance entre sa réelle carrière et aujourd'hui. Mais n'empêche que des chansons comme White Christmas, ou tout, il y a plein de rééditions qui ont été faites de ces grandes années des années 40, où il reprend des standards de jazz, des chansons de Cole Porter, tout l'Americana, si vous voulez, du répertoire de la chanson américaine de ces années-là. On y revient toujours parce qu'il est un modèle et on comprend davantage le travail des chanteurs d'aujourd'hui. Si on va vers Crosby, on n'est pas dérouté du tout. Steve Normandin, auteur, compositeur, interprète, habitué de l'émission, merci beaucoup. Merci de l'invitation. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine. While I give to you and you give to me.